20 juillet 1969 à 20h56, heure de Houston, Texas, les États-Unis devenaient aux yeux du monde vainqueurs incontestés d'une course effrénée à l'espace, engagée moins de 10 ans plus tôt et qui plus est avec un retard important au démarrage. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité, selon les mots devenus célèbres de Neil Armstrong. Après 6 missions habitées, la Lune n'a plus vu le pied de l'homme depuis 1972. Mais cette désertion risque de bientôt s'interrompre. La Chine, puis les États-Unis, comptent bien renvoyer non seulement des hommes, mais aussi des femmes sur notre satellite. Le jour où on a marché sur la Lune, c'est le programme lunaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour raconter cette histoire de course technologique et scientifique folle qui a conduit une nation à se surpasser pour envoyer en 8 ans des êtres humains sur notre satellite naturel, nous avons donc le plaisir de recevoir deux conteurs de choix aujourd'hui. Philippe Hédaréros, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace, auteur de « Ils ont marché sur la Lune », le récit inédit des expéditions Apollo. C'est un chouette livre remarquablement illustré chez Belin. Et bonjour François Forget. Bonjour. Planétologue, astrophysicien, directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Alors les esprits les plus affûtés diront « Mais pourquoi donc faire une émission sur les 50 ans d'Apollo 11 le 11 avril alors que l'anniversaire est en juillet ?» Eh bien parce qu'en juillet, eh bien il n'y a pas de méthode scientifique parce que c'est les vacances déjà. Et puis surtout que vient d'ouvrir le 3 avril dernier une exposition consacrée à la Lune au Grand Palais dont nous allons vous poster les références sur notre fil Twitter @laméthodefc à l'instant. Ceci étant dit, eh bien, tout le monde a évidemment en tête le « One small step for man » de Neil Armstrong, mais si on tire un peu en avant et un peu après, écoutez les quelques secondes avant la sortie sur la Lune, c'est en anglais, et Philippe Hédaréros qui est ici présent, vous qui connaissez ces enregistrements par cœur, vous allez pouvoir nous faire des commentaires en simultané comme si nous y étions, écoutez. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Soulagé, il y a un tas de gars qui commencent à virer au bleu ici parce qu'il y a eu quelques moments de flottement. Donc là, il vient d'atterrir en fait. Hein, ouais. Alors, après, ce qui se passe de mémoire, c'est que de toute façon, ils font des checks pour être sûr de pouvoir repartir immédiatement en cas de problème. Donc ils ne sont pas là pour faire du tourisme tout de suite. Ils remettent tout en position pour partir en cas de problème. Et ils désactivent pas mal de boulons explosifs. Voilà. Qu'on fait toujours quand on atterrit. Voilà, exactement. Et ils attendent un go pour pouvoir rester sur la Lune jusqu'à au moins une demi-heure, puis après une heure. Puis... voilà. Donc là, c'est la phrase d'Armstrong, au moment où il pose le pied sur la Lune, quelques heures plus tard. Quelques heures plus tard. C'était cette phrase, il y a beaucoup de légendes autour, on se demande s'il l'avait préparée, s'il l'a improvisée. Est-ce qu'on sait la vérité, Philippe Hédaréros? On ne la saura jamais vraiment complètement. Lui, Neil Armstrong, quand on lui a posé la question, a répondu une fois... sobrement, il a dit qu'il y avait réfléchi quand le module lunaire s'était posé, une fois qu'il était sur la Lune. Il est probable qu'il y ait pensé avant et qu'il ait fait son choix à ce moment-là et qu'il avait peut-être à sa disposition plusieurs phrases. Parce qu'il y a une chose, c'est que peu de temps après sa mort en 2012, il y a son frère Dean Armstrong qui a fait état d'un témoignage où ils étaient tous les deux avant que Neil Armstrong parte pour se mettre à l'isolement avec ses coéquipiers avant la mission. Et Neil Armstrong lui aurait montré cette phrase-là qu'on a entendue écrite sur un bout de papier en lui demandant « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Alors, peut-être qu'il en avait d'autres, peut-être qu'il n'avait pas fait son choix. Lui, il s'en est toujours tenu à cette version. J'ai choisi une fois que je me suis posé sur la Lune. Et alors, tout le reste, ce sera spéculation à l'infini. C'est de la légende, après. François Forget. Bah, autant que je sache, il était un peu joueur, Neil Armstrong, par exemple. Quand on écoute la phrase, il est impossible de se dire s'il a dit « a small step for a man or for man ». Et on lui a demandé, et il a dit Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Surtout, ce qu'il faut dire, alors évidemment, on va parler hein, de tout ce qui précède ce premier alunissage, ce premier pied humain sur la Lune, mais surtout ce 20 juillet 1969, c'est la victoire éclatante culturelle, scientifique, technologique, géopolitique des États-Unis dans le monde, face à la Russie bien sûr, mais sur l'ensemble des pays du globe. Oui, c'était avant tout la course avec la Russie. De toute façon, la Lune a été gagnée par les États-Unis pour cette unique raison-là. Et d'ailleurs, la mission Apollo 11, à ce moment-là, comporte quelques expériences scientifiques. Il y en a très peu, mais c'est surtout y arriver, poser le pied, planter le drapeau et montrer qu'on est capable de se poser sur la Lune et de marcher sur la Lune. Oui, c'est vraiment, la Lune est à l'époque un objet géopolitique à part entière. François Forget. Oui, il faut se mettre quelques années auparavant, que lorsque l'Union soviétique à l'époque a connu tous ses succès. Alors j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais on a eu Sputnik, Gagarine, la première sortie dans l'espace avec Leonov, c'était un peu plus tard. Et donc finalement, moi j'étais pas né, mais on pouvait commencer à se dire, ok, le système qui fait vraiment les grands cerveaux, les grands chercheurs, les grands ingénieurs de notre époque, ils sont en Union soviétique, puis les Américains, c'est des grands cow-boys, ok, ils sont bien battus pendant la guerre, ils ont beaucoup de fric, ok. Et donc, il fallait changer ça, donc d'où le fameux discours, on va peut-être en parler, de Kennedy, etc. Et d'où l'importance qu'a pris ce projet, qui a utilisé finalement un budget militaire. Le budget de l'armée américaine est toujours énorme, il est toujours peut-être des dizaines et dizaines de fois plus élevé que le budget de la NASA encore aujourd'hui. Donc à l'époque, on a pu transférer comme ça finalement une partie de ce budget vers ce projet. Ce qu'il faut dire aussi, et on peut le dire tout de suite, c'est que ce projet a bien sûr effectué des recherches scientifiques de premier plan. Évidemment, les résultats scientifiques ont été formidables. Les autres missions Apollo, hein, parce qu'Apollo 11, comme l'a dit Philippe Hénaré-Ross, il y avait un peu de science. Ça ramenait des cailloux. Il y aurait juste qu'Apollo 11, ça aurait été déjà super, révolutionnaire. Évidemment. Mais, pour donner un exemple, une manière de l'illustrer, lorsque Kennedy s'est tourné vers son conseiller scientifique, à l'époque, il s'appelait Jérôme, le nom m'échappe, Jérôme, c'est un nom un peu français, il lui a demandé, est-ce que vous soutenez ce projet? Et il a répondu, oui, à la condition que vous ne dites jamais qu'on le fait pour la science. Parce que on peut pas justifier par la recherche scientifique auprès de collègues physiciens, biologistes, médecins, on peut pas leur dire pour la recherche scientifique on va mettre des centaines de milliards de dollars dans ce projet-là. Donc voilà le contexte. C'est la science. Alors c'est vrai qu'il y en avait évidemment un peu. D'ailleurs, on rediscutera de ces deux heures passées sur la Lune. Ça fait partie des questions que vous soulevez dans votre livre, Philippe Hénaré-Ross. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'une fois qu'on a eu le small step, une fois qu'on a planté le drapeau, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sortent du champ de la caméra. Vous allez nous le raconter tout à l'heure. Mais très clairement, c'est Apollo 11 qui compte. Il va y avoir, jusqu'à Apollo 17, d'autres missions qui vont rester autrement plus longtemps et qui vont améliorer à chaque fois le niveau scientifique, le niveau technologique de l'exploration spatiale américaine. Et pourtant, eh bien, une fois qu'Apollo 11 est faite, en fait, ça y est, c'est gagné, c'est moins intéressant et le budget de la NASA recommence à décroître. Oui, c'est assez étonnant, en termes même d'intérêt du public. Je parle même pas en termes d'intérêt des politiques. Eux, les politiques sont arrivés à leur fin. Ils ont battu les Russes, ça y est. La prudence les inviterait même à arrêter là, puisque c'est très risqué, c'est très dangereux. Donc autant rester sur un succès. Or, le programme continue. Il y avait plusieurs missions qui étaient prévues. Et on s'aperçoit que dès Apollo 12, alors c'est pour une raison un peu de pas de chance, parce que les astronautes cassent la caméra au bout de quelques secondes, quelques minutes de retransmission télévisée, une caméra qui était en couleur, enfin, elle était un peu mieux. Donc il n'y a plus de retransmission télévisée. Les télévisions ne font pas de la radio aux États-Unis. Donc on arrête tout. Il n'y a plus de direct. Donc c'est peut-être pour ça qu'on s'en désintéresse rapidement dès Apollo 12. Mais ensuite, tout le monde s'intéresse à Apollo 13 parce qu'il y a l'accident. Voilà. Mais les autres missions ne sont pas du tout suivies. Et Apollo 17, il n'y a aucun direct quasiment. Il y a un résumé à 23h le soir de 3 minutes pour la sortie du jour sur la Lune. Et il y a juste une chaîne locale à Houston qui fait les directs, mais c'est pratiquement pour les familles des astronautes. Donc il y a un désintérêt total. Et effectivement, on passe de... Il y a une dichotomie énorme. Une marche énorme entre Apollo 11 où tout le monde sur Terre est devant sa télévision. Le nombre de spectateurs est estimé, c'est 500 millions de personnes quasiment. 500 ou 600 millions de personnes à l'époque, ce qui était énorme. Et puis les autres missions où pas grand monde regarde finalement. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur la méthode scientifique, nous racontons donc cette folle histoire de l'espace qui a conduit les Américains à poser le pied d'un être humain sur la Lune en juillet 1969, il y a donc 50 ans cette année. Nous en parlons avec Philippe Hénaréros et François Forget. Alors on va remonter le fil du temps, vous l'évoquiez tout à l'heure François Forget, le point de départ de ce small step for man, eh bien c'est l'autre fameux discours qui va initier cette course folle à l'espace, celui de John Kennedy. Nous sommes le 25 mai 1961. But why some say the moon? Why choose this as our goal? Mais diront certains, pourquoi la Lune? Pourquoi en faire notre but? Et ils pourraient tout aussi bien demander, pourquoi gravir la plus haute montagne? Pourquoi il y a 35 ans traverser l'Atlantique? Pourquoi l'équipe de Rice affronte celle du Texas? Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et d'accomplir d'autres choses. Non parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles. Parce que cet objectif servira à organiser le meilleur de nos forces et de nos compétences. Parce que ce défi est celui que nous voulons accepter, celui que nous refusons de retarder et celui que nous avons l'intention de gagner, ainsi que les autres. Voilà, Kennedy, il ne fait pas ce discours devant n'importe qui, Philippe Hénaréros, hein. Je crois qu'il est devant le Congrès qui est réuni là devant lui. Non, il marque vraiment... il faut savoir que ce discours a lieu à peu près 15 jours après le premier vol d'un Américain dans l'espace. Il ne s'est même pas satellisé, c'est Alan Shepard qui était dans une capsule Mercury lancée par une petite fusée Redstone. Donc il ne s'est même pas satellisé, il est resté 10 minutes dans l'espace. Et c'est un premier succès après Gagarine. Et donc Kennedy... s'adresse politiquement à la nation et à ses représentants pour leur dire, voilà, c'est le but de notre nation, on va arrêter de se faire malmener par les Russes, parce qu'il faut savoir que quand même depuis 1957, les Américains, ils en sont malades de ça. Ils ont des satellites russes qui se baladent au-dessus de leur tête, ça leur met une panique terrible. Il peut y avoir des bombes nucléaires, c'est ça leur première préoccupation au départ. Ils veulent absolument combler leur retard. Et il faut rappeler que effectivement, comme vous le disiez, François Forget, les Russes ont nettement une longueur d'avance. Les Américains partent avec un handicap, avec un retard sur l'exploration spatiale. Ils ont des lanceurs plus puissants. Ils ont déjà très tôt envoyé des satellites autour de la Lune. Les Américains, eux, se cassent les dents. Pionniers, ça marche pas très bien. Ils partent avec un peu des effets quoi. Oui, tout à fait. Comme sur France Culture, on a bien précisé que je crois que c'est, il y a plusieurs versions de ce discours et ça, ça doit être la version à Rice University. C'est ça. Alors, tout à fait. Oui. Alors, reprenons. Donc, on avait dans un secret assez impressionnant de chaque côté, mais surtout côté russe, le développement finalement à l'origine de. Comment dire, de missiles intercontinentaux. Et puis, tout d'un coup, on en a réalisé qu'on pourrait mettre des hommes là-dessus. C'était un rêve russe profond qui vient des travaux de Tsiolkovsky, qui est un peu l'inventeur de cette perspective que l'on peut mettre des fusées, des satellites, des astronautes dans l'espace de manière moderne, avec les vrais calculs, qu'est-ce que c'est un delta V, quel carburant il faut, etc. Et donc, il y a une culture russe assez profonde dans les universités déjà à l'époque soviétique. Et puis, ces grands succès, les premiers missiles, ensuite Spoutnik qui a vraiment impressionné tout le monde, et puis évidemment le lancement de Gagarine, et ce sera suivi par d'autres premières en fait. D'autres premières en termes de sondes interplanétaires, vers la Lune, Luna, des tentatives, alors qui avaient des problèmes, mais vers Mars, enfin des premiers survols approximatif, mais qui a impressionné tout le monde. Et puis ça a été suivi même de la première sortie dans l'espace, qui a été, je crois, la dernière grande... le grand succès, je crois que c'est après 61, Léonov, la sortie de Léonov. C'est donc, en 65, oui. 65, mais encore en 65, les Américains étaient devant. Il faudra attendre plusieurs mois avant que... Les premiers tests de la mission Apollo 66. Hein, exactement, que Ed White, sur une Gemini, pas sur Apollo, hein, donc a pu faire une sortie, mais c'était après. Donc encore en 65... C'était deux mois après Léonov. Ouais. Deux mois après, mais il y avait une vraie course, ils le savaient, tout le monde le savait. Et encore en 65, malgré un investissement massif entre 61 et 65, absolument massif, une fraction importante du budget fédéral américain, tout d'un coup, les Russes, hop, sortaient dans l'espace avec des images télé qui ont impressionné. Très, très impressionnantes. On s'en lasse pas, on les a souvent postées, ces images de la sortie de Léonov dans l'espace. On a vraiment l'impression qu'il va y laisser sa peau. Enfin, c'était fait dans des conditions de danger extraordinaires, où en plus, d'ailleurs, il a failli y laisser sa peau. Ça, c'est, on le voit sur la vidéo, à un moment donné, sa combinaison commence à gonfler. Voilà, c'est ça. Pour l'anecdote, sa combinaison gonfle et il ne parvient pas à re-rentrer dans le SAS. Il y avait un SAS, c'était pas le même système que pour Gemini, Et il a fallu beaucoup d'astuces et de dégonflage. Il est rentré de justesse en ayant énormément transpiré, quand on lit son livre. Ouais. Philippe Hélarrey-Ross, oui, c'est-à-dire que la Russie a effectivement une très nette longueur d'avance. Les premières sondes Luna, c'est 58-59. Oui, c'est ça. Luna 3, c'est 59. Et c'est une sonde qui ne fait que survoler la Lune. Elle dépasse la Lune, elle se retourne et elle fait quelques photos de la face cachée. Donc ça, c'est aussi une première. C'est la première fois. Alors, la photo n'est pas très belle, tout ce qu'on veut, mais c'est une première. Et donc, les Russes continuent à accumuler des succès visibles parce que il faut quand même être juste. Ils ont beaucoup d'échecs de leur côté. Ils envoient beaucoup de fusées. Il y en a beaucoup qui ne marchent pas. Ils ne le disent pas. Et ils ne disent que quand ça marche. Alors, ça se voit forcément et ça marche avant les Américains. Et effectivement, les Américains commencent leur effort à partir de 61, à partir du discours de Kennedy. À ce moment-là, ils mettent un effort considérable pour rattraper leur retard. Ils le rattrapent, mais ça ne se voit pas tout de suite. Et effectivement, en 65, quand Leonov sort dans l'espace, à ce moment-là, en fait, on est dans le programme Gemini américain. On n'en a pas conscience, mais la tendance s'est déjà inversée, techniquement. Mais ça ne se voit pas, parce qu'il y a... Les Russes jouent un peu, quand même, sont joueurs aussi. Ils jouent les coups de poker tant qu'ils peuvent. Et Leonov, ça masque ce retard qui est en train d'être, d'être refait par les Américains. La question, c'est que... Alors, on va repasser aussi de la capacité de lancement, mais les États-Unis, ça marche avant ce discours de 61, c'est beaucoup d'échecs aussi, c'est-à-dire que Pioneer, il y a quand même beaucoup, ça ne marche pas très bien, il y a aussi les sondes Ranger qui fonctionnent pas très bien, ils se cassent un peu le nez, ils n'ont pas la technologie, ils ne sont pas au point quoi. Non mais ça c'est normal. Mais oui, bien sûr que c'est normal. Il fallait tout inventer. Alors on partait pas de zéro, avec en particulier du côté américain, le recrutement de nombreux ingénieurs allemands après la guerre qui avaient conçu le V2. Dont Von Braun. Bon, les Russes avaient aussi recruté des ingénieurs et même les Français. Néanmoins, c'est extrêmement difficile parce que non seulement il fallait concevoir des fusées, mais en plus il fallait tout inventer. Moi, ce qui m'éblouit, finalement, je vais généraliser un peu la question. Je suis ébloui. Moi, c'est mon travail de contribuer à l'exploration. Mon vrai travail, c'est de contribuer à l'exploration du système solaire. Donc, on envoie des sondes spatiales, des satellites, des robots, etc. Et c'est incroyable le nombre d'inventions qui datent de quelques mois. En quelques mois, dans les années 60, des ingénieurs ont tout inventé. Comment on fait une sonde spatiale, des fusées, comment on vit dans l'espace. Et ça, c'est éblouissant. Alors, pour revenir en arrière, aussi dans les années 50, on peut dire aussi que l'Américain souffrait d'une certaine désorganisation, une concurrence entre, par exemple, l'armée de l'air et puis d'autres institutions. Et il a fallu un petit peu... replanifier tout ça, créer la NASA. La NASA n'a pas été créée dans les années 40. Hein. La NASA a été créée après la NASDAQ, mais il a fallu regrouper tout ça pour ensuite vraiment mieux organiser aussi le développement à la fois industriel et public qui a permis d'arriver jusqu'à la Lune. Avant 61, il y a déjà d'ailleurs à la NASA des projets. On pense à aller sur la Lune, mais ce sont des projets un peu lointains. Ce sont des projets qui ne sont pas encore vraiment tout à fait opérationnels. On pense aussi à une station spatiale déjà. On pense aussi à aller sur Mars ou envoyer des sondes sur Mars. Il y a des projets et honnêtement, quand Kennedy fait son discours, on a l'impression qu'ils partent de zéro avec juste la petite fusée qu'a envoyée Shepard. C'est pas complètement le cas. Il y a déjà des études qui ont été faites, il y a déjà des tests qui ont été faits, notamment par exemple sur le moteur hyper puissant du premier étage de la fusée Saturne V. Il est déjà en cours de validation, mais effectivement, il faut à ce moment-là rassembler les forces, donner une tête à tout ça et mettre ça en ordre de bataille pour que ça aille très vite. N'oublions pas, on est en 61, on doit y être avant, en 1970. C'est incroyable à ce moment-là. Mais il y a déjà des choses qui sont comme ça dans les cartons, mais ça tire un peu dans tous les sens, quoi. Il faut effectivement se réorganiser. Et c'est ce coup de fouet que finalement politique que donne Kennedy. Pour donner une idée du changement d'échelle, ce que vous parliez de la petite fusée qui a envoyé Shepard, effectivement, on passe d'une poussée de 30 tonnes à une poussée de 3000 tonnes. Il faut un facteur 100. Ouais, je crois, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais que la puissance de la fusée qui a propulsé Shepard était un peu plus puissante que la tour des éjection de sauvetage de la capsule Apollo en cas de problème lors du lancement, un petit peu plus puissante. Donc en gros, voilà, on change d'échelle. Cette fusée, elle faisait, je sais pas, peut-être 15 ou 20 mètres de haut. C'était un missile en fait. Et Saturne V, c'est 111 mètres de haut, 3000 tonnes au décollage. décollage avec le carburant compris, évidemment. Il suffit de voir, il y a souvent des petites proportions, on montre la taille des différentes fusées, Saturn V. Il faut rappeler, François Forget, que Saturn V, qui d'ailleurs ne va pas être le lanceur d'Apollo 11, hein, Apollo 11, c'est Saturn 1B. C'est pas Saturn 1B. Non, Saturn 1B, c'est une version inférieure pour aller en orbite. C'est très simple. Toutes les missions qui ont été autour de la Lune ou sur la Lune, c'est Saturn 5. On ne va pas y aller autrement. Okay. Donc c'est environ 110, un peu plus de tonnes dans l'espace, en orbite basse. Et comparé par exemple à Ariane 5, typiquement notre fusée européenne, c'est environ un peu plus de 20 tonnes en orbite basse de capacité. Donc on a quelque chose de 5 fois plus gros dans l'espace. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas refait aussi puissant que Saturn 5. Alors maintenant, il y a SpaceX. Alors, il faut savoir que la navette spatiale elle-même était déjà un objet assez massif et était la navette spatiale plus sa charge utile, c'était un peu quelque part l'équivalent de Saturn V en orbite basse, mais c'était pas du tout fait pour aller vers la Lune. Actuellement, on a plus que des lanceurs qui mettent à peu près une vingtaine de tonnes dans l'espace, la plus grosse hors SpaceX, je vais y arriver. C'est la Delta 4 Heavy qui met 26, presque 30 tonnes en orbite, d'accord. Et puis il y a eu cette petite révolution l'année dernière avec la Falcon Heavy. Donc on a mis 4 lanceurs typiques, la Falcon 9 de SpaceX. On les a collés 3 ensemble avec un étage. Et puis ça met à peu près 60 tonnes, donc la moitié dans l'espace. Évidemment. Pour retourner vers la Lune, on peut-être en parlera avant la fin de l'émission, il faut développer des lanceurs plus puissants. Et donc vraiment, la grande priorité actuellement de la NASA, c'est de refaire, entre guillemets, une Saturn V qu'on appelle le Space Launch System, qui a plein de problèmes. Oui, c'est ça, le SLS. Alors, on dit beaucoup, et puis bon, on en a déjà parlé, que finalement... Tout ne serait qu'une question d'argent. C'est-à-dire que finalement, il y a le discours de 61, c'est très simple, hein, on voit le budget de la NASA qui augmente en pourcentage du budget fédéral. En 59, il est de 0,2%, et puis en 66, il est de 5,5%. On peut résumer ça comme ça, Philippe Barreiros, le premier pas de l'homme sur la Lune, c'est juste une question de gros sous. Question difficile, mais c'est sûr que de toute façon, il fallait mettre les moyens. L'argent, il est pour... développer des systèmes, il est pour payer des gens, parce que si vous avez besoin de faire quelque chose dans un temps réduit, il faut beaucoup de gens qui travaillent dessus. C'est d'ailleurs un des problèmes du SLS aujourd'hui, c'est qu'il se développe certes avec une certaine équipe chez Boeing, etc., mais d'après l'administration Trump, ça va pas assez vite. Donc, pour faire que ça aille vite, on met beaucoup de gens qui travaillent jour et nuit, en gros. Ça s'est vu chez Grumman à l'époque pour fabriquer le module lunaire. On cite le module lunaire comme une réussite, en fait, ça marchait pas du tout, mais pas du tout. Pendant des mois et des mois, c'était une vraie catastrophe à la conception de cet engin. Et pourquoi qu'est-ce qui bloquait? Qu'est-ce qui marchait pas? Disons que sur les spécifications, Grumman voulait faire le module de commande, c'est-à-dire la capsule Apollo. Et puis, un lot de consolation, ils ont eu le module lunaire qu'ils ne voulaient pas faire parce qu'ils pensaient pas avoir les compétences. Et finalement, ils ont fait ce module lunaire, mais la NASA imposait des spécifications, ça marchait pas, il y avait des problèmes de câblage électrique, ils savaient pas trop faire. Donc après, la NASA a dû envoyer des gens chez eux pour les aider à rencontrer ces spécifications, à faire qu'il n'y ait plus de fuite de carburant comme il y en avait partout, etc. Donc, quand on dit, est-ce que c'est une question d'argent? Oui, mais il y a aussi autre chose, je crois, à cette époque-là, c'est que tous les gens qui se sont retrouvés impliqués dans le programme Apollo, qui ont travaillé, les contractants dans les compagnies privées, à la NASA, etc., ils voulaient absolument que ça réussisse. Ils ne voulaient pas que ça foire à cause de celui qui vissait le petit boulon. Il le faisait vraiment, il voulait vraiment que ça marche. On a vraiment ce sentiment-là quand on lit les bouquins qui ont été écrits par les gens qui ont vécu ça, quand on voit les documentaires de l'époque, on a quand même ce sentiment qu'il y a un effort commun de tous ces gens et qui veulent absolument que ça marche jusqu'au... Enfin, vous savez, il y a des tas de gens qui ont travaillé, il y a des couturières qui ont cousu les scaphandres à la main, etc. Tout le monde voulait que ça ne foire pas à cause de lui, quoi. François Forget. Alors, on estime qu'il y a presque plus de 400 000 personnes qui ont travaillé sur le projet Apollo. C'est énorme. Ce qui est incroyable. Ouais, énorme. Et donc, ça va effectivement. On raconte souvent l'anecdote, je ne sais plus qui la raconte. Je crois que c'est peut-être un président qui visite un des centres spatiaux de la NASA et puis il demande à tout le monde, alors, qu'est-ce que vous faites ici, etc. Puis, un peu par erreur, il demande à un type qui est balayeur, en fait. Il lui demande, mais vous faites quoi, vous? Et le balayeur répond, je contribue à préparer l'envoi de l'homme sur la Lune. Donc, c'est l'anecdote symbolique de la NASA. Tout le monde est impliqué. Et encore maintenant, moi, j'ai travaillé à plusieurs reprises à la NASA et on a il y a un certain héritage de cette époque-là que l'on retrouve peut-être moins dans les agences spatiales en Europe, bien sûr, on est un peu plus naturellement cynique et réaliste, mais il y a ce côté tous ensemble, quoi. Le moindre couturier, balayeur contribue à la réussite. Une nation très, très entière important. Derrière ce projet, ce moonshot, d'ailleurs l'expression va rester, un moonshot, c'est quand on met toute l'énergie de la nation avec l'argent derrière pour essayer d'aboutir dans un temps très court à un objectif précis. Alors, il y a eu d'autres moonshots qui n'ont pas eu le succès spectaculaire de l'homme sur la Lune, mais on parlait notamment dans le domaine de la santé, mais bref, on y reviendra. Il y a évidemment la construction de plusieurs centres spatiaux aussi, l'augmentation, on l'a dit, des effectifs de la NASA, et puis derrière ça, outre les choix technologiques, outre l'ingénierie spatiale, il y a aussi des choix physiques, des choix stratégiques. Comment est-ce qu'on va sur la Lune, Philippe Hénaré-Rosson? Est-ce qu'on le sait bien? Il y a plusieurs options qui sont discutées. Avant de se lancer dans la fabrication d'une fusée ou d'un vaisseau, il a fallu décider de la stratégie. À l'époque, il y avait plusieurs options sur la table. Est-ce qu'on envoie deux fusées petites, enfin, ou moyennes? Est-ce qu'on se fait un rendez-vous entre deux vaisseaux en orbite terrestre qui vont ensuite se propulser vers la Lune, puis y revenir? Finalement, il a été décidé de faire un rendez-vous en orbite lunaire. C'est-à-dire qu'on envoie tout le monde dans la même fusée, donc d'où cette fusée géante dont on parlait, la Saturne V, et on emporte dans une sorte de soute à bagages de la fusée Saturne V le module lunaire, c'est-à-dire l'engin spécifiquement conçu pour voyager dans l'espace et juste se poser sur la Lune. On s'amarre à lui, et puis les astronautes passent dedans, ils descendent, ils se posent, ils remontent avec une partie de cet engin, ils reviennent dans leur capsule, et puis on se débarrasse de tout ce qui est inutile et on revient. Il y avait effectivement plusieurs options sur la table. Il y avait même, je crois, au début, l'option du tir direct, c'est-à-dire on y va, on ne se satellise pas autour de la Lune, on se pose directement. Le direct ascent. Voilà. Ouais. Donc tout existait. En fonction de la technologie disponible à l'époque et de ce qui était le plus réaliste, le plus faisable, il a été décidé de faire l'architecture qu'on connaît avec la fusée Saturne V. François Forget, ça voudrait dire qu'aujourd'hui on pourrait avoir, compte tenu de la technologie actuelle, d'autres stratégies pour retourner, pour envoyer des êtres humains sur la Lune. C'était la plus logique, c'était la moins coûteuse, c'était la moins énergivore. Il n'y a rien d'évident. Quand on fait le calcul du côté énergie, budget de carburant, etc., il n'y a pas un scénario qui domine l'autre nettement. C'est pas évident. D'ailleurs, on pourrait, et en particulier, actuellement, encore une fois, peut-être on y reviendra, il y a d'autres idées, parce qu'on prévoit plutôt de mettre une petite station autour de la Lune maintenant, donc le concept serait un petit peu différent. Cependant, encore récemment, suite aux annonces récentes qui ont été faites, on se dit qu'on pourrait faire des choses en faisant une association d'une capsule avec un moteur fusée qui serait lancé séparément et qui ferait un rendez-vous en orbite terrestre. Donc ça, c'est des choses dont on discute pour le présent. Donc tous les scénarios sont possibles et rien ne domine clairement, sinon ça aurait été évident, dans le budget de carburant, les différents systèmes. We'll be right back. 16h30 sur France Culture, Walking on the Moon, c'est le programme de cette émission. 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, nous racontons cette histoire invraisemblable d'une nation entière qui s'organise, qui se structure, qui se fédère, qui finance aussi ce projet fou d'envoyer des hommes sur la Lune en moins de 10 ans entre le discours de Kennedy en 61 et l'alunissage en juillet 69. Nous en parlons avec Philippe Hénaré-Ross, qui est rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace, auteur de « Ils ont marché sur la Lune » chez Belin, et François Forget, qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Alors, on a beaucoup parlé de cette Saturne, de ce lanceur Saturne 5, et on en parlait pendant la musique. Bon, ma méprise était le fait que Apollo 1 est parti avec Saturne 1B et a eu cette... Apollo 1 ne devait partir. C'est la capsule qui a brûlé, voilà. Où trois astronautes sont morts. Voilà, c'est sur ça. Le pas de tir un peu avant le lancement. C'est ça. On va, et c'était sur un Saturne 1B. Donc, c'était d'où ma méprise. Mais là, on va aller visiter ce fameux lanceur, ce mastodonte de l'espace Saturne 5, comme on n'a donc jamais refait depuis, comme nous le disions tout à l'heure. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au Palais de la Découverte où il y a une belle maquette de ce lanceur. Oui, une maquette à l'échelle 1/50e, hein, mais c'était quand même très impressionnant. J'ai retrouvé Rémi Tropé, qui est médiateur au planétarium et qui est spécialiste du programme Apollo. Alors cette fusée Saturne 5 est une géante, c'est la plus grande fusée jamais construite. 110 mètres de haut, plus de 3000 tonnes, avec plus de 4000 instruments scientifiques embarqués. D'abord utilisée pour Apollo 4, la NASA l'a améliorée avec Apollo 11 pour atteindre cet objectif de marcher sur la Lune. Ce programme Apollo, qui s'est étalé sur pratiquement 10 années, est d'abord une réussite technologique. On a mis beaucoup à l'époque l'accent sur la réussite humaine, sur l'exploit humain, mais on oublie derrière qu'il y a une machine. Alors l'engin en question, c'était la plus grosse fusée jamais construite et qui a été directement inspirée des missiles de la Seconde Guerre mondiale, des V2. Voilà, donc on peut dire que l'origine de cette fusée Saturne V est complètement copiée technologiquement sur ces fameux V2. Ils étaient donc fabriqués sous l'initiative de la technologie allemande de l'époque. Von Braun, entre autres, mais il y avait beaucoup d'autres ingénieurs. Donc ensuite, il se rend à l'armée américaine avec les centaines d'ingénieurs qui ont travaillé avec lui pour les tester. C'est les prototypes, finalement, de ce que vont être les futures fusées dont le but, là, n'est pas un but militaire avoué, en tout cas, mais d'exploration spatiale, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut s'approcher de la maquette ? On peut s'approcher de la maquette. Et décrire un peu ce lanceur de dimension incommensurable à l'époque. Alors, on est ici devant la fusée Saturne V, qui fait 111 mètres de haut. C'est la moitié de la hauteur de la tour Montparnasse, ou encore, c'est un immeuble de 32 étages. Bon. Avec voilà. Un diamètre conséquent. Alors, un diamètre conséquent, si on prend le diamètre du premier et second étage, c'est 10 mètres. Le poids, donc, c'est 297 tonnes. Alors, ce lanceur a la capacité de mettre en orbite 130 tonnes. Il peut mettre en orbite le poids cumulé de tous les vaisseaux spatiaux habités russes et américains antérieurs au programme Apollo. Donc, c'est énorme. Au niveau du carburant, c'est 3 650 000 litres de carburant qui vont être utilisés. En fait, on dit la fusée Saturne V, mais ce n'est pas une fusée. C'est trois fusées l'une sur l'autre. Le premier étage ne fonctionne que 2 minutes et demie, parce que ce premier étage n'a qu'une seule fonction, c'est de libérer l'ensemble de la fusée de la gravitation terrestre. C'est de donner à cette fusée, en 2 minutes et demie, la vitesse nécessaire pour qu'il soit libéré de la gravité terrestre. Quand on se retrouve hors du champ de pesanteur terrestre, il reste quoi finalement ? Alors, au bout de 67 km parcourus d'ascension, de 67 km, on n'a plus besoin du premier étage. On jette. Et le but de ce deuxième étage, c'est de continuer à accélérer ce qui reste de la fusée pour la transporter dans les hautes couches de l'atmosphère. Puis c'est fini, on se débarrasse également du deuxième étage au bout de 6 minutes, il a fait son job. Donc il ne reste plus finalement que le troisième étage et toute la partie supérieure, qui est évidemment la partie la plus importante, le vaisseau spatial, c'est-à-dire le module de commande, le module de service, qu'on appelle le module Apollo, et le module lunaire, c'est-à-dire la petite fusée qui va servir à l'alunissage et aussi à repartir de la Lune. C'est un peu de la voiture de service qui va permettre d'alunir en quelque sorte et ensuite de requitter la Lune. Alors on a le troisième étage, il a une fonction extrêmement importante. Il va mettre le reste de la fusée en orbite terrestre. Alors c'est ce qu'on appelle une orbite de parking. Puis à un moment, il faut qu'elle sorte de cette orbite, parce que être en orbite, c'est bien, mais ce n'est pas le projet. Le projet, c'est d'aller sur la Lune. Bon. Donc il faut la sortir et la mettre sur une trajectoire translunaire. C'est là qu'on va rallumer le troisième étage. Pendant 6 minutes, on va propulser donc ce troisième étage avec le vaisseau spatial Apollo et le LEM, le module lunaire. Hein. Donc on va propulser tout ça en direction de la Lune. Et ça va durer 6 minutes. Ensuite, c'est fini, le troisième étage a terminé son job, si je puis dire. Donc on va s'en débarrasser. Il reste en fait le vaisseau spatial Apollo, le LEM qui est dans cette coiffe au-dessus du troisième étage. Et cette coiffe, elle va s'ouvrir. Le vaisseau spatial Apollo donc, va se détacher du reste de la fusée, faire 180 degrés et puis s'amarrer au LEM et l'extraire donc de la coiffe de la fusée. À partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de ce troisième étage, on le largue. Alors, en 1969, c'est donc Apollo 11. C'est la première mission qui va emmener l'homme sur la Lune. Donc, 3 astronautes. Michael Collins restera en orbite d'attente autour de la Lune pendant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin auront pris place dans le module lunaire et alluniront. Bon, ils ont mis en place quelques appareils, des sismographes, etc., etc. Oui, on ne l'a pas dit, mais il y avait énormément d'instruments embarqués. Énormément. Des milliers d'instruments. Oui, parce qu'alors, bon... C'est pour ça que je n'aime pas ce terme de conquête, parce que le terme de conquête, qui peut-être à l'époque avait du sens, il faut quand même aujourd'hui parler de la mission scientifique. C'est d'abord une mission scientifique. Donc il faut rapporter des roches. Oui, on veut avoir une meilleure connaissance de la formation de notre système solaire. Et le seul astre où potentiellement nous pouvons réellement aller, enfin la technologie permettait d'aller, et d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est la Lune. Voilà une description comme si vous y étiez de ce lanceur gigantesque Saturn V. Vous disiez, Philippe Narreros, des milliers de pièces, enfin, c'était un tel assemblage et il y a une telle ingénierie derrière que finalement personne n'avait une vue globale de la fusée. Vous savez qu'il y a eu plein de missions lunaires et il y a eu plein d'incidents dans ces missions lunaires. On retient que Houston, we have a problem d'Apollo 13, qui était un gros problème. Mais il y a eu plein d'incidents comme ça, des systèmes qui sont mis en carafe, des faux contacts, des choses comme ça. Et c'était toujours assez difficile de savoir ce qui se passait exactement parce que il y avait tellement de pièces, tellement de redondances, y compris dans juste le vaisseau Apollo avec les 3 modules qui allaient autour de la Lune, que ça prenait toujours un peu de temps pour savoir qu'est-ce qui se passait. Il n'y avait jamais quelqu'un, il n'y avait pas une personne qui connaissait l'ensemble de l'architecture de ça, même les astronautes qui étaient formés, ils étaient 3, et il y en avait toujours un qui connaissait une partie et l'autre une autre partie. Je pense à Forger. Oui, on peut en profiter pour décrire ce qui aussi fait le succès de la NASA et qui continue à être la méthode aujourd'hui, c'est qu'on a donc des astronautes qui sont très entraînés, je vais y revenir, et puis une équipe au sol qui est assez hiérarchisée et qui honnêtement... quand on discute avec même des astronautes qui vont sur la Station Spatiale Internationale ou dans les navettes spatiales, une vraie machine de guerre. C'est-à-dire qu'on a un système avec le responsable com, puissance, etc., avec en dessous des sous-ingénieurs qu'on chacun, on a tous vu, hein, ces grandes salles de commande avec chacun qui regarde son écran, chacun a pas grand-chose à faire. Mais dès qu'il y a un problème, il faut que le responsable du système 5-2BA puisse lever la main, rapporter. Et ce qui est formidable, c'est que ce système-là s'entraîne énormément. Et ce qu'a développé dans les années 60, la NASA, c'est tout un concept où les astronautes plus la salle de commande vont simuler des missions avec toute une équipe. Et il va y avoir une équipe séparée qui va créer un simulateur de mission avec des pièges, avec des erreurs. La grande règle étant qu'ils n'ont pas le droit de causer une panne pour laquelle il n'y a pas de solution. Donc il y a toujours une solution. C'est ça et puis donc les astronautes vont s'entraîner jour après jour, sans fin, à différentes pannes. Et à chaque fois, les astronautes plus les équipes de la salle de commande. Et ça a donné, à l'époque où il y avait peu d'ordinateurs, ça a donné un système d'orchestre qui est assez fascinant, je trouve, où on va avoir tout d'un coup une panne. Moi, j'aime bien l'exemple de la fusée Apollo 12. Apollo 12 est lancée. Absolument, je sais à quoi je pensais. Alors, allez-y. La foudre frappe la Saturn V. Donc là, avant le décollage. Pendant le vol, au bout d'une minute 30 de vol, tout saute, tout devient rouge. Alors, et personne ne comprend rien. Hélas, panique. Alors donc, vous avez un par un toutes les responsables de puissance, we have a problem, etc. Alors donc, et puis d'un coup, un des responsables de l'alimentation électrique au troisième rang B à gauche utilise un système pour un peu chinter, et puis il dit, je crois que j'ai la solution. Alors donc ça remonte, c'est très impressionnant, écoutez. Et puis ça remonte au Capcom, donc c'est un astronaute, seul un astronaute aura de communiquer avec les astronautes pour parler le même langage, vous voyez là, l'esprit. Et puis ça remonte et il dit, il faut qu'ils mettent le système, je vais un peu improviser là, le système de puissance annexe SE. SE sur OX. SE sur OX. Et là, on entend un silence. Alors donc il y a le Pete Conrad, le responsable de mission, can you repeat? Lui, il sait pas du tout. Il sait pas du tout. Et on entend un rookie, quelqu'un qui avait jamais vu dans l'espace, Alan Bean, avec une voix un peu aiguë, qui fait, I think I know where it is! Et il fait clonk, et là, ça fait et tout redémarre. Et la mission est go, go, go, et ils vont aller sur la Lune. Et c'est parce que Bean avait simulé ça avec, à un moment donné, une panne comme ça. C'était le seul à bord qui savait sur quel bouton fallait appuyer. Ça c'est donc Apollo 12, on va revenir un peu en arrière parce que effectivement tout est testé, surtesté, retesté comme vous le dites. Il y a donc des premiers essais, des premiers tests qui sont non habités avec donc le lanceur Saturn 1B. Et puis est-ce que, alors c'est la question que je voulais vous poser, Philippe Hénaréros, on en parlait tout à l'heure, Apollo 1, voilà, ça, il y a le feu prend sur le lanceur, les trois astronautes sont tués dans l'incendie. Est-ce que c'est l'effet de la marche forcée de dire on y va, ou est-ce que vraiment c'est la faute à pas de chance? C'est un peu ce que je vous racontais tout à l'heure sur le module lunaire, ça marchait pas très bien au début. Et on s'était pas rendu compte que sur le module de commande, donc la capsule, en termes de conception, il y avait des erreurs évidente. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et donc, on est en 66. Part, hein, d'une part, alors les astronautes étaient à bord sur la tour de lancement. Les réservoirs étaient vides. On n'allait pas faire de lancement. C'était une répétition générale. Et ils étaient à bord pour simuler un décompte final. Donc ils se mettent avec leur combinaison. On les enferme dedans. Et là, on se rend compte après l'incendie. Donc il y a un incendie qui se déclare à bord. Il y a une étincelle. Le feu prend très vite et les astronautes ne peuvent pas sortir. Alors il y a deux raisons essentielles. Il y en a d'autres. Mais c'est que à bord c'est de l'oxygène pur, donc le feu prend très très vite, et les coutilles pour sortir, parce qu'on était stressé à l'époque à la NASA avec les fuites par rapport aux portes qui s'ouvrent dans l'espace, les coutilles il fallait mettre 15 minutes pour l'ouvrir. Et elle s'ouvrait vers l'intérieur parce qu'on avait peur des portes qui s'ouvraient vers l'extérieur. On avait peur que ça s'ouvre malencontreusement, etc. Et donc les astronautes n'ont pas pu sortir. Et chacun, quand on a retrouvé leur cadavre, ils étaient en train d'essayer de sortir. Chacun faisait ce qu'il avait à faire dans ce cas-là, mais la commission d'enquête dont un astronaute était à la direction, c'était Frank Borman qui va piloter Apollo 8 après, quand il voit un peu tout ce qui avait été fait à bord. Lui, c'est un pilote, il dit, mais il y a des erreurs de conception énormes. Donc c'est un drame, c'est en janvier 1967. Oui, c'est ça. Oui, novembre 67. Vous voyez, même quand on le dit, on n'y croit pas parce que un peu plus de deux ans après, des astronautes marchent sur la Lune. Et donc, la conception de cette capsule est refaite complètement, et elle ne volera pour la première fois qu'en octobre 1968 à bord avec la mission Apollo 7 pour une première mission autour de la Terre. Et dès le mois de décembre 1968, cette capsule est envoyée autour de la Lune, au sommet de la troisième fusée Saturn V qui ait jamais volé, sachant que la première a bien marché, la deuxième, sans personne à bord, a pas bien marché du tout, elle a failli se désagréger lors de la combustion du deuxième étage, le troisième étage a pas bien fonctionné du tout, et malgré ça, on est confiant, on se dit, ben il faut battre les Russes, toujours pareil, la course, faut aller vite. Mais on sait ce qui n'a pas marché, on l'a corrigé et on y va. Et les astronautes sont fin prêts pour y aller, ils y vont et ils font le tour de la Lune pour la première fois en 1968. 11 octobre 68, Apollo 7, premier vol habité, qui sont des vols d'essai en fait. Hein. Si c'est 11 octobre 68, vous avez l'air de douter, François Forget, mais normalement non, je ne me suis pas trompé sur mes dates. Je suis juste fasciné par le fait que Noël 68, il y a eu Apollo 8 qui a été autour de la Lune. Et j'avais oublié que je pensais que c'était pendant l'été, le vol de Apollo 7. Non, c'est 11 octobre 68, Apollo 7. Et puis finalement, donc, c'est ce qui est fou, c'est-à-dire qu'on est en octobre 68 et 6 mois après, on est sur la Lune. Oui, tout a été très vite. Pour conclure cette histoire, quand même, il y avait énormément, juste pour finir cette histoire d'Apollo 1 et en particulier l'utilisation de l'oxygène, utiliser l'oxygène a d'énormes avantages, tellement séduisant pour plein d'aspects que ça semblait une évidence qu'il fallait faire cela, et on faisait l'hypothèse qu'à partir du moment où on se débrouillait pour qu'il n'y ait pas d'étincelles, il n'y aurait pas de problème. Évidemment, ça n'a pas fonctionné, et depuis, on n'a plus jamais utilisé d'oxygène pur en à basse ergol, pression. Oui, on utilise encore de l'oxygène pur pour les EVA, les sorties extravéhiculaires, là, comme a fait Thomas Pesquet, parce que ça a encore beaucoup d'avantages, ne serait-ce qu'on peut vivre, on peut gonfler, on peut dire gonfler, puisque dans l'espace c'est du vide, donc les scaphandres sont réellement gonflés. Si on mettait de l'air dans ces scaphandres, eh bien, ils seraient tellement gonflés qu'on aurait du mal à fermer les mains. Donc là, on peut mettre une pression très basse d'oxygène pur, ça marche très bien. Mais il y a un petit risque, ça prend des heures de faire la décompression, etc. Et alors, donc, c'est l'origine de la chose. Donc revenons en 68. L'histoire, finalement, pour beaucoup d'experts du domaine, certains, un peu snobs, sont encore plus fascinés par Apollo 8, finalement, que Apollo 11. Pourquoi? On a encore plus brûlé les étapes pour Apollo 8 que pour Apollo 11, quelque part. Apollo 11, évidemment, ça a été très vite. Il a été pressé de plusieurs missions autour de la Lune. Mais la toute première qui a vraiment pris le risque d'envoyer des hommes autour de la Lune était prévue un peu plus tard, en fait. Et puis, il y a eu à la fois des rumeurs que les Russes risquaient de faire ce vol, d'envoyer des humains en orbite autour de la Lune avant les Américains, ce qui aurait été quand même un grand échec pour les Américains. Puis d'autre part, il y a eu des problèmes de conception du module lunaire qui était prévu pour être testé sur Apollo 9, on va dire, que finalement, hop, d'un coup, la solution, c'est la suivante, c'est d'envoyer trois hommes, trois astronautes autour de la Lune dès la fin de l'année 68. Et c'est arrivé très vite, et cette mission-là est quand même fascinante. On est tout d'un coup, au lieu d'envoyer des hommes à quelques centaines de kilomètres de la Terre, on les a envoyés à 400 000 kilomètres. Et c'est un voyage extraordinaire, et les images encore aujourd'hui sont émouvantes. Le premier lever de terre photographié, 10 révolutions autour de la Lune. Ce qui arrive, et finalement, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a amusant rétrospectivement, c'est qu'il y a ce sentiment d'urgence de la course, et puis finalement, comme il se passe pas grand chose du côté russe, c'est presque Apollo 10, je crois, qui aurait dû aller sur la Lune directement, que la NASA s'autorise un vol de plus que ce qui était prévu dans le calendrier. Non, en fait, vraiment, le calendrier s'est accéléré. Apollo 8, c'est un coup très osé et courageux, parce qu'il y a cette fusée Saturne 5 qui n'a pas été très testée, etc. On fait ensuite, après Apollo 8, Apollo 9 et 10, Apollo 9 juste autour de la Terre, mais on teste c'est une vraie mission de pilotage, on teste tout le vaisseau avec le module lunaire. Mais le module lunaire qui vole sur Apollo 9 et celui qui va voler après au mois de mai 1969 sur Apollo 10 et qui va faire une répétition générale autour de la Lune, on va s'approcher à 15 km de la Lune, ces modules-là ne sont pas encore prêts pour se poser sur la Lune. Par exemple, celui d'Apollo 10, les pattes sont en train d'atterrissage, et il n'est pas encore prêt, il n'y a pas les amortisseurs qu'il faut, etc. Donc on peut tenter le coup, mais surtout, les astronautes ont ordre de ne pas céder à la tentation. Et du reste, il n'y a aucune chance pour que ça arrive. Ils savent très bien que leur vaisseau est trop lourd. C'est un modèle antérieur. Le premier qui est prêt à voler pour aller jusque sur la Lune, c'est celui d'Apollo 11. Donc, il y a eu ces étapes-là, elles étaient nécessaires. Ce qui est fabuleux, c'est que Apollo 9 et Apollo 10, qui étaient deux missions extrêmement complexes, se soient déroulées quasiment à la perfection. Il y a des petits problèmes, mais ils ont vraiment rempli tous leurs objectifs, à tel point qu'on pensait que ça pouvait être Apollo 12, la première mission. Et ça aurait été Pete Conrad, au lieu d'un Neil Armstrong, qui aurait été le premier à poser le pied sur la Lune. Mais tout s'est extrêmement bien déroulé. Regardez comment ça s'enchaîne. Fin décembre 1968, Apollo 8. Au mois de mars, vous avez Apollo 9. Au mois de mai, vous avez Apollo 10. Au mois de juillet, vous avez Apollo 11. C'était, on se dit souvent quand même effectivement que c'est fou, et surtout comme on l'entend là, compte tenu du temps, des échéances, de la rapidité, que ça aurait pu virer à la catastrophe, c'est-à-dire que finalement cet événement retransmis en direct à la télévision, ça aurait vraiment pu tourner au cauchemar, François Forget ? Bien sûr. Il y a toujours ce spectre, un peu ce vertige du monde parallèle où les choses ne se passent pas aussi bien que ça s'est passé. Je crois qu'en rétrospectivement, beaucoup de personnes impliquées dans le projet se rendent bien compte qu'il y avait le pourcentage de chances d'échec avec des morts à la suite de ça était relativement élevé. On peut dire qu'il y a eu de la chance. On peut dire aussi que suite à cette réussite extraordinaire, ça a donné une grande, grande confiance à la NASA, qui a finalement pêché par excès de confiance dans les années qui ont suivi, dans la conception de la navette spatiale, qui est un chef-d'œuvre. mais qui était censé être 100 fois moins cher, qui est plus sûr, alors qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup plus de morts avec la navette spatiale. Et pour même dire cela, en 1980, donc on est quand même quelques années plus tard, le premier lancement de la navette spatiale, qui était un engin d'une complexité assez effarante, a été effectué avec des hommes à bord. Ce qu'on n'a jamais fait avant et jamais fait après. Et donc, il y a eu cette part de chance, mais naturellement, quand on est chanceux, même quand on sait que les chiffres nous disent statistiquement, vous aviez tant de chances d'y rester, quand tout marche bien, on se dit, je vais toujours arriver à 100%. Apollo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors avec le 13 et l'accident que l'on connaît, petit à petit, on voit tout de suite le budget de la NASA qui commence à réduire. Pourquoi est-ce que la NASA ne va pas jusqu'au bout? Pourquoi est-ce que c'est Nixon qui décide d'interrompre le programme Apollo? Parce qu'il devait y avoir un Apollo 18, 19, 20 et qui vont être interrompus avant la fin. Ouais, ben la vague est passée, si vous voulez. Déjà, à ce moment-là, au moment où Apollo 11 est lancé, toutes les autres fusées sont en construction ou quasiment construite, donc on sait qu'on va pratiquement jusqu'à Apollo 15. C'est l'inertie presque du programme. Et quoi. Après, est-ce qu'on continue à engager des dépenses pour faire jusqu'à Apollo 20 ce qui était prévu? Et là, on coupe. Il y avait des gens dans les conseillers de Nixon qui lui disaient après Apollo 13, on arrête. On fait même pas Apollo 14, on est passé près de la catastrophe. Et finalement, c'est lui qui a dit non, on continue. Donc on peut pas lui imputer l'arrêt du programme Apollo. Et simplement, il y avait à l'époque un désintérêt du public, le fait qu'il y avait d'autres problèmes à l'époque aussi aux États-Unis budgétairement. Et donc la guerre du Vietnam pour ne pas la citer. Exactement, au moins celui-là qui était pas le moindre. Et donc la décision a dû être prise dès 1970 de passer à la trappe les trois dernières missions. D'ailleurs, si on a deux fusées Saturne 5 qui sont exposés, enfin 2,5 parce qu'il y a des morceaux qui ont été faits en maquette, etc., aux États-Unis. Ce sont ces fusées-là qui n'ont pas été lancées. Il y en a une qui a été utilisée pour Skylab après. Pour la petite station spatiale. La grosse station. À l'époque, elle était beaucoup plus grosse que les Salyuts russes. Et donc voilà ce qui s'est passé. Quoi. François Forget. Alors, ce qu'il faut souligner quand même, puisqu'on arrive maintenant à la fin de l'époque Apollo, c'est souligner quelque chose que beaucoup de gens connaissent, mais que pas toujours. C'est que les trois premières missions Apollo, donc Apollo 11, 12 et 14, sachant que Apollo 13 a eu des problèmes, sont des missions assez courtes. Apollo 11, une sortie dans l'espace une sortie sur la Lune de quelques heures, un séjour total, je crois, de 21 heures. 12 et 14, c'est à peu près du même genre. Mais à partir d'Apollo 15, on est resté dans une nouvelle dimension qu'il faut souligner. C'est que ce sont des missions qui sont restées 3 jours sur la Lune, 3 nuits, avec des longues sorties, 3 longues sorties de 6, 7, 8 heures, en se promenant, vous souvenez, avec ce rover, avec cette Jeep lunaire qui permet de faire des dizaines de kilomètres. À partir d'Apollo 15, il y a des rovers qui permettent d'étendre le champ d'exploration des astronautes. Et donc là, on est déjà à autre chose. C'est pas se poser, se promener, remonter. On a des gens qui ont fait du camping, on va dire, sur la Lune. 3 jours, c'est impressionnant quand même. C'est des nuits, des jours, on se lève, on prend son petit déjeuner, on s'habille, on sort 8 heures, on revient. C'était leur maison. Et j'ai eu la chance de connaître un des astronautes qui a vécu cette aventure-là sur Apollo 16. Et il en parle, il aimait bien souligner ça. Il aimait bien souligner, attendez, Apollo 11, ok. C'était, mais 2h30 de sortie extrême. Nous, on a habité sur la Lune. Quand vous allez quelque part 3 jours, puis là, vous imaginez que le temps était quand même très, très important. Eh bien, oui, c'est plus de 70 heures. Donc, 3 jours sur la Lune, 3 nuits. Et ça, faut l'imaginer, faut le concevoir, et c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire, alors que justement, ça n'est pas ça qui a retenu l'attention du public, puisqu'au contraire, le public se désintéressait complètement, alors qu'il y avait des gens, effectivement, qui passaient quelques nuits sur ce satellite. Aujourd'hui, donc, fin du programme Apollo, plus personne n'y va, désintérêt de la Lune pendant des années, alors que pour autant ce programme Apollo a suscité, vous le disiez tout à l'heure, en termes de technologie, d'ingénierie, vraiment une sorte d'explosion qui sont répandues jusqu'à la navette spatiale finalement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de navette spatiale sans Apollo, sans la volonté de réduire les coûts, de réutiliser, même si ça n'a pas été le cas, en tout cas les modules de lancement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, François Forget? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on réenchante la Lune? Oui, il se passe beaucoup de choses. On reparle beaucoup de la Lune pour deux raisons. On va surtout parler de la deuxième, et la première, il faut la mentionner, c'est que la Lune, qui est quand même un autre monde, est un objet d'exploration qui intéresse encore la NASA, l'Agence spatiale européenne, mais qui permet aussi à plein de petites puissances spatiales émergentes de réaliser des prouesses d'exploration, donc la Chine, l'Inde. Ce soir, absolument, un objet israélien, un engin israélien issu d'une compagnie privée, on peut dire, d'un effort privé, va essayer de se poser sur la Lune, donc à suivre pour tout le monde. Donc ça, c'est le premier sujet qui fait qu'on parle de la Lune régulièrement. Ce n'était pas le cas il y a quelques années encore. Et puis l'autre aspect, bien sûr, c'est le fait qu'on reparle de retourner sur la Lune. Et donc, la Chine au premier chef et les États-Unis. Non, c'est, on va dire, plutôt les États-Unis au premier chef. Ouais. Oui, oui, parce que la Chine, bien sûr, en parle, mais la Chine a un programme d'exploration spatiale, même humain, avec les taïkonautes, hein, les astronautes chinois, qui est impressionnant, mais qui est encore assez lent. Hein, en gros, si vous regardez depuis les années 2000, on fait un lancement tous les deux ans. Un lancement tous les deux ans, c'est pas très. Et il y a des projets de faire une station spatiale, ça va consommer beaucoup de ressources. Donc la Lune est un objectif assez lointain encore, à moins qu'ils explosent leur budget. Pour ce qui, côté américain, c'est un peu l'inverse. Après des années et des années et des années, donc on est complètement habitué à ça, d'exploration avec la navette spatiale, puis reliée à la station spatiale internationale, il y a eu une volonté de renouveau, de repartir dans l'espace lointain, comme on dit deep space, c'est-à-dire ça commence à la Lune, et de faire quelque chose. Donc, il a été programmé d'abord par l'équipe Obama, puis maintenant par la présidence Trump. Oui, Mike Pence a fait un discours en disant... Alors, je vais y venir parce que c'est important. Le vice-président américain. Tout à fait. Alors, là, ce qui est vraiment dans les cartons de la NASA, c'est de développer cette fameuse superfusée qui prend beaucoup de retard. Le premier lancement devait être l'année dernière. Je crois que le premier lancement de test, maintenant, est prévu pour dans deux ans, le premier lancement avec des astronautes. Et... pour l'instant, fixé pour dans 4 ans. Donc beaucoup, beaucoup de retard. C'est ce fameux Space Launch System, cette espèce de Saturn V un peu moderne. Accompagné de ça, ce qui est prévu actuellement et en développement réellement, c'est une petite station orbitale autour de la Lune qui va être construite après, avec quelques vols de cette nouvelle superfusée SLS, qu'on appelle dans notre jargon l'objet. Alors ça veut dire Lunar Orbital Platform Gateway. Donc la Lunar Gateway. Donc le côté Gateway, c'est pour bien mentionner que c'est une porte d'entrée, une porte de sortie pour aller ailleurs, pour aller peut-être vers Mars par exemple. Donc ça, c'est un projet qui est mentionné. Et puis derrière, il y a toujours une espèce d'inconnu, c'est quand est-ce qu'on va se retourner se poser. Alors ce qui était prévu officiellement, avec ce calendrier dont je vous ai parlé, un lancement en 2023 avec les premiers humains, peut-être autour de la Lune, etc. C'était peut-être de viser, et c'était extrêmement difficile, un atterrissage en 2028. Les Américains, quand même, accompagnés de leurs alliés habituels, par exemple l'Agence spatiale européenne, fournit ce qu'on appelle le module de service, donc un système qui fournit l'énergie et de quoi respirer dans le module, ce qui s'appelle maintenant Apollo, autrefois Apollo s'appelle Orion, donc c'est une capsule un peu du même genre. Et donc l'Europe est déjà impliquée, et puis elle veut s'impliquer sur cette orbite. Alors le grand nouveau, la grande surprise, c'est que Mike Pence, à la surprise générale, a fait un discours un peu extraordinaire, je dois dire, je l'ai écouté du début jusqu'à la fin, où il dit « ouais, ça va beaucoup trop lentement ». Il a fait ça dans le centre spatial de la NASA qui est en charge du développement de la superfusée. Il dit « ouais, la superfusée, ça va beaucoup trop lentement, il faut qu'on accélère tout à fond, et nous on veut poser des astronautes sur la Lune, une astronaute en 2024. Une femme. Ce qui paraît... impossible, puisque de toute façon la NASA a proposé un budget il y a encore quelques semaines où il n'y a pas du tout assez d'argent, la NASA, la Maison Blanche. Donc en ce moment il se passe deux choses, c'est vraiment à suivre, hein, l'actualité va aller très vite, il se passe deux choses. D'une part, la Maison Blanche va reproposer un nouveau budget, et parallèlement la NASA va dire voilà ce dont on a besoin, voilà les ressources dont on a besoin pour faire cela. Mais Mike Pence a dit il faut faire cela by all means, par tous les moyens possibles. Eh bien on verra si d'ici 2024 une femme pose enfin après plus de 55 ans après l'homme, le premier pas de l'homme sur la Lune, le premier pas de la femme sur la Lune, ce serait eh bien quelque chose qu'on aimerait bien voir, il faut dire. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, merci François Forget, merci Philippe Hénaréros. Ils ont marché sur la Lune, le récit inédit des expéditions Apollo, c'est chez Belin, et un numéro spécial aujourd'hui en kiosque de Ciel et Espace. Le nouveau roman de la Terre, c'est pas très loin de la Lune, c'est tout sur la Terre, notre planète. Le nouveau roman de la Terre, c'est bien de s'intéresser à la Terre aussi quand on s'est intéressé à la Lune, et puis vous pouvez toujours aussi, depuis le 3 avril, aller voir l'expo consacrée à notre beau satellite au Grand Palais. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lausanne, Noémie Naguet-Saint-Vulfranc, Evétienne Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Jordan Fuentes à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain vendredi fiction, nous resterons dans l'espace, mais pour des scénarios bien plus compliqués et catastrophiques que celui de la conquête lunaire. Que se passe-t-il dans le vide spatial lorsque les choses se passent très très mal? Eh bien personne ne vous entend crier. 40 ans après la sortie du premier Alien, on vous parle de Space Aurore demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.